Quand on écrit, vous savez, on se laisse aller parfois au fil de la plume. On arrive à faire entendre des choses qu'on ne pense pas tellement. Vous savez, il y a le piège des mots. Les mots sont là, les mots vous suggèrent une idée nouvelle. Alors cette idée, vous la trouvez agréable. Même si elle ne correspond pas à votre vérité, vous l'exploitez quand même. Parce que quand on tient un bon mot, on le fait.